Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, plongée dans les coulisses d'un film que nous connaissons tous, les aventures de Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Rien qu'à l'énoncer de ce titre, on a envie de sourire au souvenir de répliques cultes, comme celle-là, évidemment. Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Réalisé en 1973 par le cinéaste Gérard Oury, Rabbi Jacob est l'une des toutes premières superproductions comiques françaises et du très prolifique duo Funès-Oury, le meilleur selon certains critiques. Maintenant, pourquoi parler de Rabbi Jacob dans Affaires Sensibles ? Eh bien parce que derrière ce film au trait léger et au ton comique, c'est loin qu'on puisse dire, se cache une histoire méconnue, où l'ambition d'un réalisateur de mettre la France de l'après 68 face à ses contradictions, en évoquant devant la caméra le racisme, l'intolérance qui subsiste et la recherche de la fraternité qui reste à conquérir, le tout grâce au rire. Et puis ce film est sorti en 1973, en octobre, pendant la guerre du Kippour, comme un télescopage. Rabbi Jacob est enfin un objet cinématographique hors norme, une aventure remplie de doutes sur l'écriture, parsemée d'aléas durant le tournage et qui a bien failli ne jamais sortir en salle. Notre invité aujourd'hui, Daniel Thompson, fille du réalisateur Gérard Oury, co-scénariste de Rabbi Jacob. Elle est l'autrice d'un livre illustré intitulé « Gérard Oury, mon père, l'as des as », paru en 2019 aux éditions La Martinière. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Rick. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. 1 gros mensonge que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Mais un gros, hein. Eh bien, hier matin, dans les basques du costume vert de Monseigneur, j'ai trouvé 300 000 ducats. Hein ? Où sont-ils ? Sous ma paillasse. Voleur ! Voleur ! Vous m'avez volé ! Non, Monseigneur, je vous ai menti. Mercredi 8 décembre 1971, Paris. Dans la grande salle du Gaumont Ambassade, sur les Champs-Élysées, 600 personnes assistent ce soir à la première projection du film « La folie des grandeurs ». L'affiche placardée sur les kiosques à journaux de toute la capitale donne le ton. On y voit Louis de Funès assis sur un tonneau de bois, accoutré en homme cupide et hypocrite. Il reçoit une énorme gerbe d'eau sur la tête de la part d'Yves Montand, qui joue son valet, loyal et dévoué, enfin presque. À la fin de la séance, tonnerre d'applaudissements. Et à la sortie du cinéma, les spectateurs arborent tous le même sourire. Oh, vous savez, on a encore beaucoup ri, hein, grâce à Monsieur de Funès, exclame une dame. Yves Montand, quel talent, ajoute un autre spectateur. Adapté avec liberté et dérision un drame romantique, Ruy Blas de Victor Hugo, en l'occurrence, pour en faire un film comique, le challenge était osé, même pour un réalisateur comme Gérard Oury. Mais le pari a gagné. Après les succès du Cornio et surtout de la Grande Vadrouille, Gérard Oury poursuit avec La Folie des Grandeurs sa fructueuse collaboration avec celui qui est alors considéré à l'époque comme l'une des plus grandes vedettes de tout l'Hexagone, Louis de Funès, infatigable travailleur et, disons-le tout net, un génie dans son genre. La presse dans son ensemble considère d'ailleurs le duo Funès-Oury comme le binôme le plus efficace du cinéma français. Ensemble, le premier à l'écran, le second derrière la caméra, ils sont capables de faire rire tout le monde, sans blesser personne. Du cinéma, juste pour le plaisir, mais sans réel message. Et on s'est dit, voilà, ce sont les rois du cinéma populaire. Et pourtant, chez l'un comme chez l'autre, existe une quête de sens. Alors, s'ils faisaient rire autrement, s'ils mettaient leur talent comique au service d'une cause plus profonde. En 1971, avant même la sortie de La Folie des Grandeurs, Louis de Funès est déjà un acteur de premier plan. C'est aussi et surtout un comique adulé par les personnages qu'il campe. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Imbattable sur ce registre, inégalé, il est le roi du genre. Et d'ailleurs, personne ne lui conteste cette suprématie. Mais en coulisses et dans la vie de tous les jours, Louis de Funès est un tout autre personnage. Ce qui montre aussi à quel point il est un grand acteur. À plus de 57 ans, il est un homme en effet timide, angoissé, conscient d'être l'acteur symbole d'un public vieillissant. Alors il entend se réinventer, lui aussi, Tout comme Jean Gabin, Bourvil ou Lino Ventura, Louis de Funès n'est pas un révolutionnaire. Il est même un personnage aux valeurs très traditionnelles. Il le reconnaît. Il est ancré dans les habitudes du passé, voilà. C'est comme ça. Il vote à droite, va à la messe tous les dimanches, par habitude. Et il porte un regard très critique parce qu'il ne les comprend pas sur les événements qui ont chamboulé la France au mai 68. C'est dans ce contexte bien précis que son ami Gérard Oury lui explique sa nouvelle idée. Lorsqu'il lit les premières lignes de ce qui n'est alors qu'un brouillon de scénario, Louis de Funès est surpris. Quoi ? Lui, pour incarner un chantre de la tolérance et de la lutte contre le racisme ? Pourquoi pas, après tout ? Alors il se prend au jeu. Au micro de France Inter, Gérard Oury raconte les enjeux de son prochain film et surtout le rôle indispensable qui occupe de Funès. Eh bien, il s'agit de... d'un film très particulier en ce sens que il a l'espoir de faire rire avec un certain nombre de problèmes et sans être un film à message, c'est pas du tout ce que je veux faire, mais il fait rire avec un certain nombre d'éléments qui se passent dans le monde à l'heure actuelle et qui sont des choses comme la pollution, comme l'intolérance, comme une certaine forme de xénophobie. Ils sont des petites plaies, ou même des grandes plaies, dans le monde entier, dans tous les pays du monde, et qu'après tout, en se moquant de soi-même, sans se moquer des autres, on peut, je crois, arriver à faire rire ses contemporains. Et comme j'ai la chance, dans mon amitié et dans mon union fraternelle dans le travail avec Louis de Funès, de pouvoir me servir de ce comédien qui est, non seulement à mon sens, un des plus grands comédiens comiques du monde à l'heure actuelle, mais aussi un homme qui a la possibilité de pouvoir jouer des personnages odieux sans être jamais antipathique. J'en profite naturellement pour lui faire jouer ces personnages-là, parce que de tout personnage odieux naît le rire. Cette histoire, qui tient pour l'instant sur quelques feuilles de papier, résultat de semaines de recherche et d'écriture entre Gérard Oury et sa fille Danielle Thompson, cette histoire, c'est donc celle de Rabbi Jacob. Parce qu'il y a quelque chose d'artistique et donc d'unique. La naissance d'un film est toujours un processus mystérieux. Il s'accompagne bien souvent de fantasmes sur l'origine de l'idée, qui l'a portée, qui l'a fait aboutir. Dans le cas des aventures de Rabbi Jacob, c'est bien vers Gérard Oury qu'il faut se tourner. À 53 ans, ce cinéaste est déjà une figure bien connue du public. Homme rigoureux, perfectionniste, il est passé maître dans la réalisation de films comiques à gros budget et surtout à grand succès. Avec La Grande Vadrouille, il a réussi à faire rire de tout, même de l'occupation allemande, ce qui, 20 ans seulement après la fin de la guerre, n'était pas gagné. À aucun moment, son film n'évoque la déportation, le sort réservé aux Juifs de France, ni même la barbarie nazie, ce qui lui sera reproché par certains, forcément, et le plus souvent par ceux qui ignorent que Gérard Oury lui-même, alors adolescent, a dû fuir la France de Vichy et se réfugier à l'étranger parce que juif. Si personne dans sa famille n'est pratiquant, le cinéaste a développé une fascination pour cette culture et pour ces hommes à redingotes noires portant papillotes, les péottes et de grands chapeaux. Ces hommes qu'il croise rue des Rosiers à Paris, eh bien il veut les montrer, il veut en parler, il veut aller au-delà des clichés, mais surtout, il veut le faire en faisant rire, comme toujours. Mise dans la confidence, la fille du réalisateur, Danielle, devient la complice et le témoin privilégié de cette aventure. Ensemble, partis d'une simple feuille blanche, père et fille vont écrire, travailler, rechercher. Des heures, des jours, des semaines durant, ils vont trouver et agencer les pièces de leur puzzle scénaristique. Ensemble, ils vont aller jusqu'en Israël pour mûrir leur projet. Et surtout, ils vont s'entourer d'un rabbin, un vrai, Josie Eisenberg. Persuadé que l'humour peut lutter contre le racisme et l'antisémitisme, il s'embarque dans ce projet pour le meilleur et pour le rire. Ce film voulait être d'une part un film comique, et essentiellement un film comique, et d'autre part un film généreux. Alors, comme je pense qu'un rabbin peut aussi bien donner dans la dimension du comique que dans celle de la générosité, qui d'ailleurs ne sont pas du tout incompatibles, j'ai fait ce film avec beaucoup d'enthousiasme. Et je voyais dans ce film la possibilité, d'une part, de faire rire, et puis d'autre part, diffuser quand même une certaine générosité et un instrument de lutte contre le racisme. Et justement, on parlait des campagnes racistes. Oui, le racisme est une maladie qui revient à une vitesse grand V actuellement en France et dans d'autres pays. Et je pense que par le biais du comique, c'est-à-dire par la faculté qu'a ce tandem Oury de Funès de toucher des millions de gens sur Terre, j'étais très heureux de pouvoir contribuer un petit peu à démystifier cette xénophobie et ce racisme galopant, n'est-ce pas, qui sont un peu la maladie de tout le monde, et que ce film tourne particulièrement en ridicule. Pendant des mois et jusqu'au printemps de l'année 73, c'est dans l'appartement de Gérard Oury, rue de Courcelles, à Paris, que le réalisateur et sa fille Danielle s'enferment pour trouver la porte d'entrée et le cheminement de leur fable. Entre les idées, le papier et la fatigue, il y a une pochette en carton de couleur verte que le réalisateur ouvre parfois et de laquelle il sort des gags, des dessins humoristiques, des histoires de faits divers grotesques. C'est là qu'il pioche une feuille sur laquelle est écrite « Usine de chewing-gum ». Il s'agit d'une vieille idée de scène qu'Oury n'avait jamais pu exploiter auparavant et qui, il ne le sait pas encore, va devenir l'une des séquences les plus marquantes du film. En toile de fond, l'idée maîtresse de scénario tourne autour d'un personnage. Un Français moyen auquel on peut s'identifier, qui va être obligé de se transformer en rabbin assidique et donc découvrir une culture. Son nom, Pivert, Victor Pivert. Industriel, riche, bourré de préjugés et surtout raciste, la panoplie quoi. Eh bien c'est donc lui qui va devenir Rabbi Jacob, alias Louis de Funès bien sûr. Interrogé sur France Inter par Monique Berger, le cinéaste et l'acteur dévoile les traits de ses personnages. Qui êtes-vous dans ce film alors, Louis de Funès ? Vous avez un rôle très compliqué, vous êtes le Rabbi à un moment, mais avant. Oh c'est très compliqué. Oui c'est très compliqué. Ah oui oui. C'est un personnage de transformation que le... Que Louis est un personnage qui prend l'identité d'un autre personnage et qui va faire connaissance avec un univers et un monde oui. qu'il ne connaît pas et sur lequel il a des préventions. Car c'est un homme qui a autour de lui toute une construction mentale et certaines idées que je ne dis pas nécessairement fausses, mais pas nécessairement vraies, sur un certain nombre de points et de choses dans la vie. Un et tout d'un peu racial, coup, vous savez. Un peu raciste, oui. Oui. Un peu raciste, c'est la question. Et alors, comment devenez-vous le Rabbi Jacob ? Ça, je peux pas, on peut pas le dire. Voilà. Ça, on peut pas le dire. Louis, tu ne dis rien. Les événements de la dernière décennie jouent aussi un grand rôle dans la construction du scénario. Dans sa pochette, Gérard Oury a gardé de nombreuses coupures de presse sur des affaires qui l'ont passionné. Parmi elles, Ben Barka, cet opposant marocain enlevé en plein Paris en 66. C'est à partir de là qu'Oury et sa fille, Danielle, inventent le personnage de Slimane, sorte d'opposant politique venant du Moyen-Orient et qui, traqué, va lier son destin à celui de Victor Pivert. La mécanique de l'écriture d'un scénario est un processus complexe, on l'a dit. Elle est souvent parsemée de doutes, mais aussi de déclics. Il peut aussi s'interrompre à cause du contexte. Et là, il se trouve qu'en septembre 72, des membres de l'équipe olympique israélienne sont pris en otage et sont assassinés par des membres de l'organisation terroriste Septembre Noir. L'événement, d'ampleur planétaire bien sûr, remet en lumière toute la tension au Proche-Orient. Alors, est-ce vraiment le bon moment pour proposer une comédie mêlant des juifs, des catholiques et des musulmans? Même pour mettre en scène une possible amitié? Nombreuses sont les personnes dans l'entourage de Gérard et de Daniel qui les mettent en garde contre le risque d'une telle aventure. Mais le réalisateur ne se laisse pas influencer, non, il veut aller au bout de son projet. Son producteur, en revanche, Alain Poiret, l'ami de 20 ans, ne le suivra pas. Officiellement, le terrain est trop délicat pour se permettre des maladresses qui pourraient passer pour des provocations et une éventuelle réaction de la communauté juive ou musulmane en France. Officieusement, Alain Poiret ne croit tout simplement pas à l'idée d'une comédie basée sur une histoire de juifs orthodoxes traversant la France et enchaînant les gags. Pour lui, le public n'adhérera pas. Quelle vista ! En catastrophe, Oury démarche Bertrand Javal, le producteur de L'aveu de Costa Gavras. Tant bien que mal, Javal réussit à boucler le financement à la hauteur des ambitions d'Oury. À savoir, tourner l'introduction du film à New York, reconstituer la rue des Rosiers dans un quartier d'Aubervilliers pour y tourner une scène de danse, recréer de toutes pièces une synagogue, bâtir l'intérieur d'une usine de chewing-gum dans les studios de Billancourt, et enfin, clou du spectacle et du budget, s'offrir une escorte de la garde républicaine et une arrivée en hélicoptère dans la cour des Invalides. Rien de moins. Pour la musique et la bande originale de son film, là aussi, Oury voit grand. Il veut surtout quelque chose d'unique, quelque chose d'original. Son choix va se porter sur le compositeur Vladimir Kosma, qui raconte ici son premier entretien avec Gérard Oury. Je reçois un coup de fil de la production qui me dit « Monsieur Gérard Oury veut vous rencontrer, est-ce que vous pouvez venir demain à l'aéroport d'Orly ?» Bien sûr, je cours, je vais le lendemain. Je vois Uri qui me dit, voilà, je vous appelle parce que dans un mois et demi, je dois tourner la scène la plus importante de mon film, qui va être une danse acidique que De Funès va jouer, et c'est le clou du film, c'est la chose la plus importante, et la musique, il faut l'enregistrer avant, et c'est essentiel pour moi. Est-ce que vous serez d'accord de faire une maquette pour cette musique, etc. J'ai dit bien sûr, mais me dit, je tiens à vous dire d'emblée que j'étais voir votre musique du Grand Blanc avec une chaussure noire et que c'est pas du tout ce genre de musique qu'il me faut. Alors je lui dis effectivement, j'ai dit mais alors pourquoi vous m'appelez si vous n'êtes pas à ça? Il me dit parce que je connais pas grand chose en musique, mais par contre mon meilleur ami François Reichenbach est un grand connaisseur en musique et il m'a conseillé de vous engager. Il m'a dit qu'il y a que vous qui puissiez faire cette musique. Lundi 19 mars 1973, studio de cinéma de Billancourt, banlieue ouest de Paris. C'est le premier jour de tournage des aventures de Rabbi Jacob. Aux côtés de Gérard Houry et de sa fille Danielle, on trouve notamment Bernard Stora, Jacques Bénard et le rabbin Josie Eisenberg. Face à eux se dresse, fière, la reproduction à l'identique, s'il vous plaît, d'un hall de l'aéroport d'Orly, qui doit servir pour séquence et à côté de laquelle se trouve le décor de la scène qui sera tournée dès aujourd'hui, l'usine de chewing-gum, où le scénario prévoit, je lis en toutes lettres, le scénario, que Victor Pivert se retrouve piégé et tombe accidentellement dans un liquide verdâtre. Résultat d'un travail titanesque. Le chef décorateur, Théo Meurice et ses équipes, ont recréé une cuve de 5 tonnes remplie d'une mixture verte visqueuse, mélange d'eau, de glucose et de colorants alimentaires. Mais sous l'effet de la chaleur, des projecteurs, celle-ci a débordé et envahi le studio. Si dans le film, la scène durant laquelle Louis de Funès s'immerge par accident ne dure que quelques instants, son tournage va nécessiter presque 3 semaines. Oui, à raison de 8 heures par jour. Louis de Funès va se retrouver recouvert de cette mixture qui lui provoque de sévères démangeaisons. Pour autant, il ne rechignera jamais à y plonger. Quant aux bulles qui s'échappent des chaussures et du costume de Funès, elles viennent de préservatifs gonflés par des pompes à vélo et dont les tubes sont reliés sous le costume. La scène est importante, on l'a dit, car c'est là que Victor Pivert rencontre Slimane, interprété par Claude Giraud. Les deux personnages, l'un catholique, l'autre musulman, vont dès lors être contraints de s'entraider et de rester ensemble s'ils veulent s'en sortir. Dans le scénario imaginé par Gérard Houry et sa fille Danielle, il y a aussi la séquence de la révélation sur la judaïté du chauffeur de Victor Pivert, Salomon, joué par l'acteur Henri Guibé, pour qui la scène est intense, car il découvre toute la précision de l'exécution et du découpage, la direction d'acteur et le rythme sans temps mort voulu par Gérard Houry. Assis à côté de Louis de Funès, dans la voiture, c'est avoir pris place au plus près d'un monstre qui se révèle pourtant discret, mais méticuleux, concentré, qui veut atteindre à chaque prise la perfection de l'acteur. Après une simple répétition et 3 répliques modifiées, Guibé entend Houry crier les 3 mots « Silence, moteur, action ». Le reste appartient à l'histoire et à une séquence de cinéma devenue culte. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant ? Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc ? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste ! Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouves pas ? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh ! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin ? Mais il n'est pas juif. Ah, si. Mais pas toute votre famille ? Si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Même sans l'image, ça fonctionne. Un autre moment clé du film, qui va nécessiter des moyens considérables pour son tournage, c'est la scène de la danse acidique, bien sûr. C'est le moment où Victor Pivert, déguisé en Rabbi Jacob, doit danser en plein milieu de la rue des Rosiers. Au départ, le scénario prévoyait que Louis de Funès joue simplement du violon. Mais en découvrant un peu par hasard, un ballet d'inspiration acidique du chorégraphe Ilan Zaoui, Gérard Houry décide de faire danser Rabbi Jacob. Pour des questions pratiques, cette scène ne sera jamais tournée à Paris, dans le quartier du Marais, mais à Aubervilliers, où pendant presque une semaine, l'équipe de Théo Meurice reproduit un quartier juif au milieu d'un quartier où, dans la vraie vie, la majorité des commerces sont tenus par des musulmans. De son côté, pendant 2 mois, à raison de 2 fois par semaine, Louis de Funès s'enferme et répète avec le chorégraphe Ilan Zaoui. Houry ne découvrira la danse finale que le jour même du tournage. Affublé d'un strémel, le chapeau en fourrure porté par certains juifs orthodoxes, Louis de Funès, devenu Rabbi Jacob donc, se lance face à la caméra dans une improbable chorégraphie qui semble improvisée, mais qui ne l'est pas, évidemment. Et le tout sur une musique co-signée Philippe Gumplovitch et Vladimir Kosma. Tout le reste de ce morceau de bravoure au cinéma tient évidemment au talent de l'acteur comique numéro 1 en France à l'époque, l'énorme Louis de Funès. Thank you. France Inter, il est 13h30. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Interactualité Magazine, Dominique Bomberger. Gérard Ouvrier et les aventures de Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob, c'est le titre du dernier film de Gérard Houry que vous pourrez voir dès demain sur les écrans parisiens et sur ceux d'une centaine de villes de province. Et nous retrouvons, après 18 mois d'absence, Louis de Funès. Louis de Funès qui, à la suite de circonstances rocambolesques, deviendra rabbin. Cette super production pourrait être le succès cinématographique de l'année, Gilbert Picard. Le corneau, la grande vadrouille, le cerveau, la folie des grandeurs. Un succès, cela s'explique. Deux, c'est déjà plus rare. 3, c'est exceptionnel. 4, c'est un record. 5, c'est inespéré. Et maintenant, les aventures de Rabbi Jacob. Pour Gérard Houry, ce n'est jamais 203, mais plutôt jamais 405. Dans cette super production, Gérard Houry fait une explosive caricature du racisme à travers un industriel français bien de chez nous qui n'aime pas les étrangers, qu'ils soient arabes ou juifs, jaunes ou noirs. Mais quelques chiffres, si vous le voulez bien. Plus de 1000 gags, 2 millions de plans, des cascades, un budget de plus d'un milliard et demi d'anciens francs, 6 mois de tournage et 1 an et demi pour écrire le scénario. Mercredi 17 octobre 1973, Paris. Les aventures de Rabbi Jacob, le dernier film de Gérard Houry, doit sortir en salle le lendemain. Problème, le contexte géopolitique ne s'y prête pas, apparemment. Comment en effet raconter au cinéma la fraternité entre un catholique, un juif et un musulman? Et surtout rire aux dépens des uns et des autres lorsqu'au Proche-Orient, une coalition de pays arabes emmenée par les armées syriennes et égyptiennes vient d'agresser Israël en pleine fête du Kippour. C'est donc au même moment dans Paris qu'on peut voir les affiches du film Rabbi Jacob, où Louis de Funès, déguisé en rabbin, portant son grand chapeau noir et ses chalotes, fait une grimace avec un regard malicieux, presque sournois. Alors Gérard Houry s'interroge, comment le public va-t-il accueillir ce film humoristique qui met en scène un industriel antisémite pris en otage par un révolutionnaire arabe? Les spectateurs vont-ils, dans un contexte aussi sensible, rire de bon cœur à la vue d'un Louis de Funès en juif hassidique? Est-ce que le film sera ressenti comme une provocation vis-à-vis de la communauté musulmane et de la communauté juive de France? Comme quoi, la pollution des âmes par le politiquement correct ne date pas d'hier. Voulant ainsi éviter un incident, Gérard Houry et l'équipe de production pensent un temps décalé à la sortie du film. Mais après d'intenses discussions, décision est finalement prise de ne rien changer au calendrier. Quoi qu'il en soit, chaque soir, à la nuit tombée, tel un petit commando, Gérard Houry, sa fille Danielle et d'autres membres de leur équipe arpentent les rues de la capitale pour retirer les affiches du film, oui, afin d'éviter que certains ne croient qu'ils se servent de la guerre pour faire de la promotion de ce long métrage. Mais l'affaire prend des proportions plus inquiétantes lorsque Gérard Houry lui-même reçoit des coups de téléphone anonymes et des lettres de menaces. Par mesure de précaution, il sort désormais de chez lui avec un revolver dans la poche et demande même à la police d'assurer une protection pour Louis de Funès. Et les ennuis ne sont pas terminés. Le film va se retrouver lié à un drame personnel qui va faire la une de l'actualité. Incroyable. Une histoire qui n'a finalement ni queue ni tête. Une femme a détourné cet après-midi sur Marignane, à Marseille, un avion d'Air France qui assurait la liaison Paris-Nice. Elle était armée d'un pistolet 22 longues griffes. Elle a obligé le pilote, donc, à mettre le cap sur Marseille. Là, finalement, l'affaire s'est très mal terminée pour elle. Elle a été tuée, abattue par un membre de la brigade d'intervention. Jeudi 18 octobre 1973. Le jour de la sortie en salle du film Les Aventures de Rabbi Jacob, une femme effectivement détourne un avion d'Air France. C'est Danielle Craven. Elle est l'épouse du publiciste Georges Craven, un personnage connu du tout Paris et qui n'est autre que l'attaché de presse du film Les Aventures de Rabbi Jacob. Personne fragile sur le plan psychologique, bouleversée par la guerre au Proche-Orient et persuadée que le film de Gérard Houry, qu'elle n'a pourtant pas vu, sera une apologie au service du sionisme et d'Israël, Danielle Craven exige que Rabbi Jacob soit retiré des écrans. Une fois l'avion d'Air France posé à Marseille, armée de sa carabine, la jeune femme oblige les 110 passagers et l'équipage à descendre, puis s'enferme dans les toilettes avec un steward. Elle demande alors que la somme équivalente au prix de l'avion soit donnée à une association. Après 4 heures de négociations, le groupe d'intervention de la police monte à bord, une fusillade éclate. Danielle Cravel meurt, elle avait 35 ans. Pour toute l'équipe du film, cette affaire est un drame, évidemment. Rabbi Jacob a été pensé, écrit, réalisé pour être une fête, une ode à la fraternité, au respect et au vivre ensemble, pas pour provoquer tel drame. Mais les événements de la journée, le soir même, au Gaumont Alésia, une foule dense se presse pour assister à la première projection du film. C'est l'événement de la journée. Gérard Horry et Louis Funès sont dans la salle. Le premier est tendu, car il craint une possible manifestation ou un boycott. Le second, malgré sa carrière, est dans un état de trac dont personne ne devine l'ampleur. Mais au bout de quelques minutes à peine, les premiers éclats de rire résonnent dans la salle. Puis d'autres, et d'autres encore. Les spectateurs hurlent de rire. Lors de la scène où Victor Pivert fait des grimaces pour attirer l'attention des CRS, les spectateurs rient si fort qu'on ne peut même plus entendre les dialogues. À l'inverse, lors de la scène de la bénédiction dans la synagogue, le public est cette fois pris par l'émotion du jeu de Louis de Funès. Puis à la fin, lorsque Salomon, le juif, serre la main de Slimane, le musulman, les spectateurs applaudissent à tout rompre. Pour Gérard Horry, sa fille Danielle et tout le reste de l'équipe, le pari est gagné et haut la main. D'autant que, dès la sortie de la séance, les journalistes parlent déjà des aventures de Rabbi Jacob comme du film de l'année. Et les spectateurs, oui, ils sont vraiment conquis. Très amusant, un bon film de Gérard Horry, très très bon. Vous savez un que bon comique. C'est le plus grand succès cinématographique de l'année. Ça vous paraît justifié? Je crois, oui, oui. Oui. Il y a très bonne chose dedans. Qu'est-ce qui vous a fait aller voir Rabbi Jacob? Surtout Louis de Funès. La publicité aussi qu'on a fait autour? Oui, peut-être, oui. Bon, mais quand même, la mise en scène, tout est formidable. C'est gay, c'est frais. Vous n'avez pas été déçu? Non, absolument pas. Merci. Nous sommes arrivés de Buenos Aires hier, et le film est formidable. Le premier film qu'on vient voir à Paris. Vous savez que c'est le plus grand succès français de l'année? Impossible. Ça il y a un succès fou en Argentine, qui oui. Vient le plus vite possible. Formidable. Ça vous a fait rire. Oh, ouf. Un jour, après la sortie du film, Henri Guibet, qui joue le rôle de Salomon, racontera qu'il s'est fait traiter dans la rue de Salioupa. Il se trouve que l'acteur n'est pas juif, il ne ressent pas cet épisode comme une agression, donc il le considérera surtout comme un compliment sur son jeu d'acteur. En l'espace de quelques semaines, le film lui rencontre un immense succès dans les cinémas de tout l'Hexagone, avec plus de 8 millions d'entrées. Il devient au passage un véritable phénomène de société. Et grâce au talent de Louis de Funès, l'odieux personnage de Victor Pivert devient porteur d'un message de tolérance. Dans Radioscopie, Jacques Chancel demandera plus tard au rabbi Josie Eisenberg, qui avait assisté Gérard Horry pour l'écriture, comment a été reçu le film par la communauté juive de France. Je crois que dans leur immense majorité, ils ont été très contents, parce que d'une part, et c'est très important, ce film montrait que les juifs sont différents. Ils seront toujours différents. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont réellement différents. Un humoriste juif auquel on demandait si les juifs étaient différents disait non, les juifs ne sont pas différents, ce sont les autres qui sont différents. Par conséquent, ce film montrait que les juifs, eux, ils ont une synagogue, ils y vont le samedi alors que les chrétiens vont à l'église le dimanche, mais qu'ils disent amen comme tout le monde, dit de Funès à un moment d'un film. Vous avez vu, ils sont comme nous, ils disent amen. On a essayé de résoudre cette quadrature du cercle qui consiste à montrer que les juifs sont spécifiques et différents, mais ils sont en même temps comme tout le monde. Ce sont les mêmes sentiments, c'est les mêmes attitudes devant la vie. Et ça, je crois que c'était très important. Et les juifs ont aimé cela, ont aimé que l'on montre une bar mitzvah, c'est-à-dire l'équivalent d'une communion, qui soit grave, qui soit belle. Ont aimé qu'on montre qu'un chrétien, un arabe et un juif, puisque un chrétien antisémite comme de Funès et puis un arabe déguisé comme Slimane, on arrive à bénir l'enfant. Et comment bénir un petit juif dans une synagogue sinon en lui parlant de Dieu, parce que c'est le même Dieu qui est le Dieu de tous. Quelques jours après la sortie du film, lors d'une interview pour le JT de RTF, Louis de Funès, personnage d'ordinaire réservé, jamais vraiment à l'aise sur les plateaux télé, se livre à une surprenante introspection. Un témoignage qui montre à quel point Les Aventures de Rabbi Jacob est un film qui fait du bien. Il m'arrive à tas de choses. Voilà. Quelle impression. Et finalement, je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi anti. Hein. Il doit m'en rester encore. Mais ça m'a, comme je dis à Gérard Horry, ça m'a décrassé l'âme. Aujourd'hui, bientôt un demi-siècle après la sortie du film, Les Aventures de Rabbi Jacob sont et restent un monument du cinéma comique français. car au-delà de son aspect burlesque et de son scénario fantaisiste, il est donc un objet intemporel. Pour des raisons évidentes, il suffit de se pencher sur l'actualité. Heureusement, l'art vient parfois nous décraser l'âme. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, émission consacrée aujourd'hui aux coulisses du film Rabbi Jacob, film phénomène. Notre invité, Dayel Thompson, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille du réalisateur Gérard Houry, vous avez été à ses côtés en amont et tout au long du tournage. Vous êtes par ailleurs l'autrice d'un très beau livre illustré et intitulé Gérard Houry, mon père, l'as des as, paru en 2019 aux éditions La Martinière. Dites-moi, La Grande Vadrouille, Le Corneau, Rabbi Jacob, La Folie des Grandeurs, je pourrais en donner quelques autres. Gérard Houry, c'était l'efficacité dans le cinéma. Alors, le talent, bien sûr, mais l'efficacité. C'est quoi les ingrédients d'une telle efficacité? Oh, écoutez, je crois que c'est beaucoup de talent, beaucoup de travail, un personnage très solaire qui était mon père, un sens formidable du goût du public, un grand sens du rythme, un perfectionniste, un travailleur acharné, et surtout un immense besoin de rire et de et un humour formidable. Voilà, c'est tout un cocktail qui ne résume pas trop mal cet homme. Et c'était un héritage, un cadeau pour nous, parce que ces films-là, bah, comme tous les autres films, on peut les voir éternellement. Dans votre livre, vous expliquez que le scénario de ce film-là, Rabbi Jacob, a été le plus compliqué probablement à écrire de votre carrière, peut-être aussi de la carrière de votre père, c'est vrai ? Écoutez, oui, je crois que c'est vrai. Je crois que tous les scénaristes se reconnaîtront dans les affres de voilà qu'on traverse quand on invente comme ça une histoire qui part de rien en plus, parce que c'est pas une adaptation de livre ou de quoi que ce soit. C'est vraiment la fameuse page blanche dans toute sa splendeur ou son horreur. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué. Et puis on me demande tout le temps si on pourrait le refaire aujourd'hui. Le refaire tel qu'il était, certainement pas. Essayer de refaire quelque chose d'aussi drôle et d'aussi réussi, c'est évidemment un pari incroyable. Et c'est là où de toute façon on est confronté à tout à coup des pannes, des moments de découragement, des moments d'enthousiasme qui sont quelquefois justifiés, d'autres moments pas. Enfin, c'est le grand boulevard bien accidenté des scénaristes. Et est-ce que le côté polémique, réel ou supposé d'ailleurs, hein, du film quand il sort à l'époque de la guerre du Kippour, et c'est ce qui a fait fuir le producteur Poiret, ou il pensait que l'idée n'était pas bonne tout simplement ? Parce que je l'ai dit dans le récit, mais comme je n'ai pas la réponse, je viens la chercher chez vous. Non, le départ, si j'ose dire, enfin la non-adhésion d'Alain Poiret était purement et simplement... Où je pense juste à une histoire de goût personnel, où il a pensé que c'est d'abord, quand mon père lui en a parlé, il y avait rien. Il y avait effectivement la fameuse page blanche. Il y avait juste l'idée d'essayer de faire une comédie autour de cette communauté qu'on connaît mal, qu'on connaissait nous-mêmes mal, que lui ne connaissait pas du tout, et que ça lui a paru une idée saugrenue. À laquelle voilà, il avait pas envie de participer à ça. C'était pas vraiment une polémique à l'époque, hein. C'était simplement un petit peu pour beaucoup de notre entourage, par écrire avec une comédie sur ces gens qui sont plutôt des gens d'ailleurs plutôt austères, enfin avec bien sûr une tradition musicale et un humour qui était typiquement juif, c'est vraiment le cas de le dire, mais qui sont quand même pas des gens faciles, qui est une communauté très enfermée. Lane Thompson, on va se retrouver dans 3 minutes et on va parler de cet immense acteur Louis de Funès, parce qu'évidemment Rabbi Jacob sans Louis de Funès, bon, c'est pas Rabbi Jacob, évidemment. Et vous allez nous parler de lui, parce que j'ai envie qu'on nous parle un petit peu de lui. On va écouter Catherine et Angèle qui chantent duo, on se retrouve dans 3 minutes. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On chante la même mélodie. On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies. Je chante à cette octave, et moi à cette octave. Je chante les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait. Avec moi. Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas le soleil rougeoir. Je joue du synthé pour toi. Je joue de la guitare pour toi. Je joue du piano pour toi. Mais pas à même son. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. Et la vie, elle a un tempo. Et ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terne, qui n'est jamais terne. Daniel Thompson, Louis de Funès, alors on dit qu'il était peut-être à ce moment de sa carrière à la recherche de sens. Alors d'ailleurs le comique n'est pas toujours vide de sens, hein, mais là peut-être que ce film-là, Rabbi Jacob, disait quelque chose, une communauté effectivement qu'on ne connaissait pas assez. C'est vérifié, Louis de Funès voulait prendre un tournant dans sa carrière ou pas? Écoutez, ça je ne sais pas, je pense que... C'est, en tout cas, c'est un moment certainement où il a été heureux de prendre des risques, parce que toute cette aventure était risquée dans tous les sens du terme. Bien sûr, c'était difficile d'imaginer, parce que bien sûr, il a donné son accord bien avant qu'on soit arrivé au bout du scénario. Bon, il aurait pu évidemment, à la lecture du scénario, décider que ça ne lui plaisait pas, mais enfin... C'est difficile à lire un scénario comme celui-là. Il est extrêmement riche, extrêmement... le plus imagé possible, mais vous imaginez bien que quand on lit une scène comme par exemple celle de l'usine de chewing-gum, quand même très très difficile à imaginer, oui. Que ça va être incroyablement drôle à la lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Bien c'est sûr, la différence entre le scénario et ce qu'on va voir sur l'écran. Donc il a eu beaucoup de cran de partir la main dans la main avec mon père. C'était leur film où ils étaient eux le couple, puisqu'il n'y avait plus Bourville et il n'y avait plus Montand, il n'y avait plus le principe du tandem qui avait été quand même celui des grands succès de mon père. Et donc là c'était tout sur ses épaules et c'était quand même un sujet très bizarre en fait. Donc je pense que ça a été en tout cas un moment pour lui où il s'est dit allez je fonce là-dedans et je pense qu'il l'a fait vraiment très très d'une manière très très courageuse et oui probablement à un moment donné où il s'est dit allons-y voilà après tout risquons le coup. Bon, vous assistiez au tournage bien sûr. Pas tout le temps parce bah, que mais vous avez moi, j'étais scénariste à l'époque bien sûr. Et j'étais pas tout le temps au tournage. Mais vous avez assisté oui à certains tournages. Bien sûr. J'allais dans la reconstitution de la rue des Rosiers dont vous parliez tout à l'heure effectivement dans ce quartier de Bervilliers. Je suis allé aussi à ce tournage, c'était très inoubliable, de cette grande synagogue qui avait été reconstituée en studio, parce que on était allé visiter plein de synagogues dans Paris qu'on avait trouvées pas suffisamment spectaculaires. Mon père a fait reconstituer en fait une synagogue de qui est détruite, mais avec, où il y avait des dessins magnifiques de cette synagogue en Pologne qui avait été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, que lui avait d'ailleurs apporté Josie Heisenberg et qui était très très belle. C'était cette synagogue à l'ancienne, tout en bois et c'était un décor absolument magnifique que je suis allé au studio. Ça faisait partie des souvenirs formidables que j'ai. Alors justement, ce monstre, pardon, je cherchais le mot, ce monstre qu'était Louis de Funès n'en était pas moins un homme, évidemment, avec ses fragilités. Comment il était pendant les tournages? C'était quoi son trait de caractère principal? Extrêmement concentré, très concentré, très, très, vraiment un personnage très très différent de celui qu'on voit sur l'écran quand une fois que sur un plateau quand on crie moteur et que tout à coup cette sorte de effectivement de génie comique se met en marche avec une sorte de piles électriques magiques en lui, mais dans la vie c'est vraiment le contraire de ça. C'est quelqu'un d'extrêmement studieux, qui avait beaucoup de trac, comme vous le disiez tout à l'heure, qui était un homme posé, réservé, attentif, travailleur, bosseur, enfin vraiment un autre personnage qui c'est très très extraordinaire de l'avoir côtoyé, d'avoir constaté cet extraordinaire dédoublement de la personnalité, ce qui est d'ailleurs le propre des acteurs. Exactement. Mais en lui c'est encore plus fort que pour beaucoup. Alors une fois le film terminé, monté, il y a dû avoir, et avant la projection publique, des projections privées. Comment s'est passée la première, vous vous souvenez, non? Alors je me souviens bien sûr de la première, je me souviens surtout, puisque vous parlez de projection privée, oui, la projection où il a découvert le film, parce que vous savez bien que les comédiens, bon, on termine effectivement le tournage, ils ne participent pas du tout au montage, à la post-production, à tout ce qui se passe pendant les mois qui suivent le tournage. Et puis un beau jour, on les appelle, on leur dit « voilà, tu vas voir le film », ils s'assoient, et en général, ils ont le trac de se voir, et très souvent, ils ne s'aiment pas. Donc, ils n'aiment pas se voir à l'écran. C'est quelque chose de très commun chez les comédiens. Et c'est bon signe. Et donc, il y a eu cette fameuse projection où je me trouvais, et nous étions très très peu nombreux dans cette petite salle, dans un laboratoire, je me souviens, qui était le laboratoire LTC. Qui était une petite salle de projection où il y avait donc Louis et sa femme Jeanne et mon père et moi et Bertrand Javal le producteur et Albert Jurgenson le monteur. Donc je peux pas vous dire que c'était un gros public. Donc on a passé un très dur moment mon père et moi parce que on a vu ce film qu'on n'a plus jamais, Dieu merci, revu comme ça, c'est-à-dire dans un silence de mort. Alors. Et c'est pas le même film. Donc on est sorti de là. Louis était très très très, très paniqué. Il s'était pas trouvé drôle. Il n'avait pas trouvé le film drôle parce que s'il se trouvait pas lui drôle, évidemment tout le reste venait avec. Jeanne n'était pas non plus très joyeuse. On est allé prendre un café. Tout le monde est resté très silencieux. Ça a été un moment dont je me souviens qui a été extrêmement angoissant, extrêmement pénible. Quelques jours plus tard, Dieu merci, dans une immense salle du Gaumont Alésia, où la première avait été organisée, qui était d'ailleurs intelligemment organisée parce que c'était à moitié du vrai public qui avait pu acheter ses places et puis un parterre d'invités, de collaborateurs, etc. Comme vous le racontiez plus tôt, la salle était dans un état d'euphorie et de rire et de transe. Enfin, ça a été. Et ce qui est absolument extraordinaire dans ce phénomène, c'est pour ça que c'est si difficile de faire des projections pour des films comiques, des projections privées, je veux dire, c'est que tout à coup, on voit un autre film. Mais oui. On voit un autre film. On se prend à rire de son propre film, de nos propres idées, de nos propres dialogues. Qu'on n'a plus trouvé drôle depuis des mois et qui tout à coup se mettent à revivre, ce sont des moments absolument magiques. Ah bah j'imagine le moment de bonheur et de soulagement, effectivement. Daniel Thompson, ce sera le dernier mot de notre conversation, donc c'est une note joyeuse. Merci de nous avoir livré quelques-uns de vos souvenirs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Rabbi Jacob, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sistiaga.